grâce, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Sache que tu n'es pas venu accompagner les autres. Est-ce que tu comprends, mon frère? Tu n'es pas né pour échouer. Ta vie ne sera pas toujours l'échec. Même si l'année passée, tu as échoué dans un domaine. Mais j'aimerais te dire, je prophétise que cette année, tes échecs se changeront en succès pour la gloire de Dieu. Parce que cette année nouvelle, l'Éternel va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et les gens seront étonnés de voir la gloire de Dieu éclore dans ta vie. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari. Nous sommes à l'émission OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire psaume 37, versets 1 à 5. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est psaume 37, 1 à 5 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Quelle parole merveilleuse! Nous allons voir deux grandes vérités contenues dans ce texte. Et ce sont ces vérités qui vont inspirer nos prières. Première vérité, c'est deux choses que Dieu te demande de bannir. C'est-à-dire deux choses que tu ne dois pas faire cette année. Premièrement, Dieu dit, ne t'irrite pas contre les méchants. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, tu te plains, tu dis, tu vis dans une famille où il y a des sorciers. Écoute-moi bien, est-ce que tu sais que les agents de Satan là, un sorcier, un mystique là, pour t'avoir, il doit te pousser d'abord à commettre un péché. Est-ce que tu comprends? Et l'une des choses que l'ennemi fait, c'est de te pousser à t'irriter, à t'énerver. Hein, ma sœur, tu t'énerves facilement. Toi, dès qu'on te tend un petit pied, tu t'énerves, tu commences à parler, à parler, à parler, à parler. Et parfois, tu dors même comme ça, sans même prier. Alors, quand tu dors comme ça, tu vas commencer à faire des mauvais songes, des cauchemars, tu vas commencer à avoir des maux de tête. Tu ne vois pas que ta maladie là a commencé quand tu as fait palabre avec quelqu'un et tu t'es tellement irrité que tu ne t'es pas contrôlé. Dieu te dit, ne t'irrite pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La colère donne facilement accès au diable. Donc maîtrise-toi. Même si tu vois que le méchant, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui fait des machinations, même si tu vois comme s'il est réussi dans ce qu'il fait, ne t'irrite pas. Je parle à toi. Dans ta société, il y a une dame là qui fait des manigances. Elle triche, elle vole parce qu'elle est copine à ton patron. On a signé ses papiers. On l'a nommé à un poste et ça te fait mal au cœur. Mais Dieu te dit, ne t'irrite pas. Lui va s'occuper de ton cas. Deuxième chose, Dieu dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Il ne faut pas envier. Aujourd'hui, il y a des gens parfois, tu connais comment ils gagnent son argent. Ils changent de voiture, ils voyagent partout dans le monde, mais ils utilisent des voies tortueuses. Toi, tu es chrétien, tu connais Jésus. Tu ne dois pas les envier. Je veux parler à quelqu'un. Regarde bien, il y a un jeune là qui sort avec une dame. Un jeune là, qui est engagé dans des commerces de drogue, dans des trucs bizarres, dans des réseaux bizarres. Mais toi, en tant que chrétien, tu as refusé de faire ça. Et tu vois comme si lui, il voyage, il s'en va en Europe, il s'en va aux États-Unis. Mais tu ne dois pas l'envier. Il ne faut pas dire, vraiment, c'est comme si nous qui avons cru en Jésus, nous ne gagnons rien. Même s'il peut se moquer de toi, ne l'envie pas. Est-ce que tu comprends? Parce que le verset dit, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Tu vois l'herbe là? Prenons les gazons. Facilement, les gazons croient. Dès qu'il y a une petite pluie, ça pousse vite, vite. Mais on dit, ils vont se flétrir. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de solide. Les méchants, ils finissent très mal. Les gens qui cherchent à s'enrichir par des moyens illicites, là, ils finissent mal. Ne les envie pas. On dit, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts. Mais toi, tu ne dois pas être comme les gazons, mon ami. Deuxième vérité, nous allons voir 5 choses que Dieu te recommande de faire. Ce sont les 5 promesses. Si tu t'accroches cette année à ces 5 promesses, tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie. Il y aura de grands changements. Première promesse, Dieu dit, confie-toi en l'Éternel. Tu vois, verset 3, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, place ta foi en l'Éternel. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui se confient aux hommes. Moi, j'ai mon grand frère, j'ai telle autorité, je connais tel ministre, je connais tel directeur du cabinet, je connais tel PCR. Toi, peut-être, tu ne connais personne, mais tu connais l'Éternel des armées, tu connais Jésus de Nazareth, le roi des rois. Confie-toi en lui. Est-ce que tu comprends? Deuxièmement, il dit, pratique le bien. Ne regrette pas, je vais parler à quelqu'un. Tu dis, moi j'ai aidé beaucoup de gens, mais les gens ne sont pas reconnaissants. Pratique le bien, même si les gens ne sont pas reconnaissants. Toi, tu dois continuer à faire le bien. Tu le fais au nom de Yahvé. Est-ce que tu comprends? La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien parce que nous moissonnerons au temps convenable. Je vais parler à une dame. Tu as commencé à soutenir des hommes de Dieu. Tu as commencé à soutenir l'œuvre de Dieu. Et tu as l'impression comme si Dieu ne te bénit pas. Si réellement ceux que tu soutiens, ce sont des gens qui servent Dieu, sache que Dieu va te récompenser un jour. Il ne faut pas dire, je ne vais plus faire le bien. Pratique le bien. Fais le bien. Il ne faut pas imiter le mal. Et comme les gens t'ont insulté, toi aussi tu vas répondre par l'insulte. Non! Parce que les gens ne sont pas venus te rendre visite quand tu étais malade. Toi aussi, tu dis, moi aussi, je ne vais pas les rendre visite. Il faut faire le bien. Jésus faisait du bien. Il allait de lieu en lieu. Fais du bien. Imite ton Dieu. Imite Jésus-Christ. Troisième chose. Dieu dit, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ici, je voudrais insister sur le mot fidélité. C'est-à-dire que tu dois marcher dans la fidélité. Reste fidèle à Dieu. Sois fidèle à tes engagements. Sois fidèle au ministère, aux responsabilités qu'on t'a confiées. La Bible nous dit, celui qui sera fidèle dans des petites choses, Dieu lui confiera des grandes. La fidélité. Quatrième parole ou promesse, Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a ce que tu dois faire pour que Dieu te donne. Toi, aujourd'hui, tu veux que cette année, le Seigneur te donne le mariage, te fasse entrer dans le mariage. Tu veux que l'Éternel bénisse tes affaires. Tu veux que l'Éternel t'ouvre les portes pour que ton ministère aille dans l'international. Mais est-ce que tu fais de lui ses délices? Faire de l'Éternel ses délices, c'est quoi? C'est-à-dire que tu obéis à Dieu. Tu mets Dieu en première position. Ta première préoccupation doit être d'obéir au Seigneur. Lorsque Dieu voit que tu lui accordes la priorité, tu fais ce qu'il te demande de faire là. À ce moment-là, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu comprends? Fais de l'Éternel tes délices. Dans d'autres versions, il est dit, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que ton cœur désire. Cinquième promesse, Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Tu vois, recommander ton sort, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as un problème, tu as une difficulté, tu confies en Dieu, dans la prière. Tu pries pour ce problème. Ce n'est pas la peine de murmurer. Tu recommandes ta situation entre les mains de Dieu. En ce début d'année, je vais demander à quelqu'un, prends un bloc-notes, tu vas noter ce dont tu as besoin. Même si c'est 10 choses ou 5 choses ou même 20 choses, il faut mettre ça. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Écris cela. Et tu vas voir avant décembre ce que Dieu va faire. Recommande ton sort. Tu vas commencer à prier pour tous tes sujets. Maintenant, on dit, mets en lui ta confiance. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de recommander, mais il faut ajouter la confiance, la foi. Mets en lui ta confiance et il agira. Tu vois, le « il » vient après. Le « il » démontre la responsabilité divine. Ce n'est que dans la mesure où toi, tu vas faire ta part, qui consiste à recommander ton sort, c'est-à-dire à lui confier tes préoccupations, à lui confier tes besoins, dans la mesure où tu vas ajouter la foi comme un ingrédient qui vient pour renforcer ta demande, Dieu va faire sa part. C'est-à-dire qu'il agira. Il agira. Est-ce que tu crois que cela est possible? Oh, j'aimerais que ce matin, nous puissions nous lever. Nous puissions exalter le Dieu vivant. Parce que sa parole, elle est véridique. Cette parole s'accomplira. Je vais te demander, là où tu es, de te lever. Parce que nous allons louer le Seigneur. Tu vas commencer à danser pour lui. Parce que cette promesse est une promesse vraie et véridique qui trouvera son accomplissement cette année. Chantons ce cantique. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, il me joie immense, je suis dans la maîtresse. Il le fera, Gloire à Dieu, il est digne de louange, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu qui promet d'agir, il est fidèle, bénis son saint nom, élève ta voix là où tu es. Sois béni, éternel notre Dieu, toi le Dieu qui veut que nous puissions te faire confiance. Merci au Seigneur de déposer encore en nous la foi, de sorte que nous puissions compter entièrement sur toi, quel que soit le problème que nous traversons. Oh, sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, capable de nous délivrer, capable de nous soutenir. Oui, Seigneur, nous voulons te faire confiance. Encore une fois de plus, nous voulons te recommander tout ce qui nous tracasse, ô Père, car tu es notre solution, la solution à tous nos problèmes. Nous voulons réellement déposer nos fardeaux sur toi, Seigneur, et compter sur toi. Père, merci de nous aider à faire de toi notre délice. Et nous voulons te soumettre tous les désirs de nos cœurs. Merci, ô Père, toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de nous répondre, le Dieu capable d'agir, le Dieu capable de nous donner la victoire. Ô, que l'honneur te revienne, toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Reçois en ce moment la gloire et la magnificence au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle que notre émission, c'est une émission de prière matinale. Nous prions chaque 5 heures temps universel et nous appelons cela OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Si cette émission t'a fait du bien, parlez-en à quelqu'un d'autre. Partout dans le monde, les gens peuvent suivre cette émission via notre site web www.radiofréquentevie.com. Notre passage du jour, c'est le psaume 37, 1 à 5. Il y a deux choses que Dieu te demande de bannir. Ne t'irrite point, n'envie pas ceux qui font le mal. Peut-être que dans ta vie, il t'arrive très souvent à t'irriter. Tu vas demander pardon à Dieu et demande à Dieu de te libérer de l'irritation, de la colère, de la fureur. Demande à Dieu de te préserver de l'envie. N'envie pas ceux qui font le mal, même s'ils semblent réussir, mais ils vont se flétrir comme les gazons verts. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus. Tendre Père, ce matin, je te bénis et je glorifie ton nom. Tu as dit dans ta parole, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, ô Père éternel, je me tourne vers toi avec de grandes résolutions. Je me tourne vers toi et je demande ô Père éternel que tu puisses me permettre de me débarrasser de toute forme d'irritation, que toute forme de colère soit ôtée de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je prie et je prends l'engagement de me débarrasser de tout ce qui constitue un obstacle à mon épanouissement. Toute forme d'envie est ôtée au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, par ton Esprit Saint, soutiens-moi, assiste-moi dans ce combat. Envoie ta délivrance au Père éternel afin que je sois toujours efficace dans tout ce que j'entreprends. Je prends autorité sur toute forme d'amertume. Je prends autorité de toute forme d'obstacle, de blocage au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta paix gouverne ma vie, que la tempérance fasse partie de ma vie et que la joie de l'Éternel soit toujours ma force. Je te rends grâce et je te bénis pour tout cela, ô Père éternel, parce que tu fais de moi une référence, parce que tu fais de moi un modèle. C'est par ta grâce que je peux réaliser des exploits, c'est par ta grâce que je peux m'exprimer et m'épanouir en Jésus-Christ. Merci pour toutes ces grandes réalisations dans ma vie et pour les grandes réussites. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir plusieurs promesses que Dieu nous fait dans cette parodie. Confie-toi en l'Éternel et pratique du bien. Pratique le bien. Ne te confie pas aux hommes. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est la situation. Peut-être que tu es un sujet pour lequel tu as prié depuis des années. Cette année, il ne faut pas dire, bon, j'ai prié, je suis fatigué. Dieu dit, confie-toi en lui et puis pratique le bien. Tu as été déçu par les gens. Dis, Seigneur, j'aimerais continuer à faire du bien. Même si les gens m'ont déçu, je vais continuer à pratiquer le bien, à aider les pauvres, à aider ceux qui sont dans les besoins, au nom de Jésus-Christ. Nous t'apprécions et nous te magnifions. Nous t'aimons par-dessus tout parce que tu es notre Père, tu nous as sauvés. Merci parce que les hommes et leurs comportements ne vont point nous décourager, affaiblir. Ils ne vont point nous affaiblir. Ils ne vont point nous empêcher encore et encore de manifester l'amour que tu nous demandes. Tu veux que nous aidions les orphelins, que nous aidions les veuves. Tu veux que nous participions à la joie de quelqu'un. Tu veux que nous soyons des agents pour que ton œuvre progresse, pour que le ministère avance. Nous n'allons point être découragés, quel que soit le détournement ou quel que soit ce que nous entendons dire, ce que nous voyons et les mauvais comportements et les faux exemples de ce que nous entendons. Père, ce matin, merci d'aider quelqu'un. Merci de fortifier la foi de quelqu'un. Comme tu as dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Merci papa, parce que tu nous parles et nous ne voulons point nous arrêter là où tu nous demandes d'agir. Nous ne voulons pas retenir encore ce que tu nous demandes de faire et de donner. Aide quelqu'un à obéir à ta volonté. Merci mon Dieu et mon Père pour le soutien que quelqu'un donne aux serviteurs de Dieu. Merci pour l'œuvre d'évangélisation qui est financée par ses frères, par cette sœur. Merci papa, tu utilises des hommes et des femmes pour qu'une multitude soit dans la joie. Nous te glorifions, nous te bénissons pour ce cœur d'action que tu nous donnes pour l'avancement de ton royaume au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Peut-être que tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Demande-lui pardon, dis Seigneur, cette année, je vais te mettre en première position. Cette année, je vais me préoccuper de toi, de ton œuvre, pour que tu me donnes ce que mon cœur désire. Cette année, je vais recommander mon sort à toi et placer en moi ma confiance et je sais que tu agiras. Tu vas commencer à dire à Dieu quels sont tes problèmes pour lesquels tu t'attends à l'action divine. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père. C'est toi notre protecteur, c'est toi notre pourvoyeur, c'est toi notre Yahweh Ra, notre berger. Et nous ne manquerons de rien. À qui irons-nous pour avoir la vie, pour avoir la solution à nos problèmes, pour avoir la guérison, pour avoir la victoire? C'est vers toi. Vers toi, nous levons nos mains. Vers toi, nous nous agenouillons. Devant toi, nous nous agenouillons. Notre Dieu, face contre terre. Et nous nous remettons totalement en tes mains. Seigneur, nous recommandons nos vies, nos foyers, notre ministère, la vie de nos enfants, notre travail, notre promotion, nos difficultés. N'as-tu pas dit dans ta parole, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je prendrai soin de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai le repos. Nous voulons le repos, nous voulons la joie, nous voulons la paix, nous voulons la protection, nous voulons la délivrance, nous voulons ta présence. Seigneur, aide-nous, car nous avons abandonné notre premier amour, mais nous venons en toi. Nous ne voulons pas, notre Dieu, notre Père, que tu nous enlèves, ou que tu nous enlèves l'esprit de service. Mais nous voulons continuer à te servir. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Sachez qu'il accomplira ses promesses. Je voudrais rappeler que le dimanche 10 janvier, nous aurons notre deuxième rencontre, bonheur conjugal pour les célibataires. Nous poursuivons ce thème que nous avons développé la fois dernière. Lève-toi pour entrer en possession de ton mariage. C'est en ce début d'année qu'il faut saisir les promesses divines. Ce sera à 17h au CPE, centre de publication évangélique, dans la même cour que la radio Fréquente Vie. Viens, nous allons prier ensemble et Dieu va se manifester dans votre vie. C'était OSB, à demain, même chaîne et même heure. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter. Faisons monter, monter, parfum de louange.